Chapitre 4. Je fus frappé de ce raisonnement. Je ne pus répondre autre chose à M. Raymond, sinon qu'il était mieux fait que personne pour bien juger de la conduite qu'il lui convenait de tenir, mais que j'aimais à croire que la chose n'était pas aussi désespérée qu'il se l'imaginait. Nous ne poussâmes pas cette matière plus loin, et elle fut même, en quelque sorte, chassée de ma pensée par un incident d'une nature fort extraordinaire. J'ai déjà parlé de la rancune profonde que me gardait l'infernale portière de cette solitude. Guinness, ce membre exclu de la société, avait été son favori particulier. Elle avait, à la vérité, souffert son expulsion parce qu'elle sentait son génie dompté par l'énergie et l'ascendant supérieur de M. Raymond. Mais c'était en murmurant et avec la rage dans le cœur qu'elle s'était soumise à cet arrêt. N'osant pas diriger son ressentiment contre celui qui avait été le principal auteur de l'affaire, ce fut sur moi que se porta toute l'âcreté de sa bile. À l'offense impardonnable que j'avais ainsi commise dans cette première circonstance, se joignit la thèse que j'avais soutenue dernièrement contre la profession de voleur. Le respect dû à ce métier était un article fondamental du credo de cette professe surannée, et elle ne dissimulait pas plus la surprise et l'horreur que lui causaient mes objections que ne l'eût fait une vieille d'un autre genre de confrérie devant laquelle on s'aviserait de disputer sur les agonies et la dissolution du Créateur du monde ou sur la robe sans tache qui est préparée pour envelopper les âmes des élus. De même que les zélés sectaires, elle était très disposée à employer les armes des vengeances mondaines contre ceux qui déclaraient la guerre à ses opinions. Au milieu de tout cela, je riais de sa malice impuissante comme d'un objet à mépriser plutôt qu'à craindre. Elle s'aperçut, à ce que j'imagine, du peu de cas que je faisais d'elle, et c'est ce qui ne laissa pas que de contribuer beaucoup à augmenter l'orage qui grossissait contre moi. Un jour, on me laissa seul dans la maison sans autre compagnie que cette noire sibylle. Les voleurs étaient partis pour une expédition environ 2 heures après le soleil couché de la veille, et ils n'étaient pas rentrés, comme à leur ordinaire, le matin avant la pointe du jour. C'était une circonstance qui arrivait quelquefois, et qui ne donna lieu par conséquent à aucune inquiétude extraordinaire. Tantôt les traces du gibier les conduisaient au-delà du terme qu'ils s'étaient prescrit. Tantôt c'était la crainte d'être poursuivi. Rien n'est plus incertain que la vie d'un voleur. Pendant la nuit, la vieille avait été occupée à apprêter leurs pas qui les attendaient à leur retour. Quant à moi, j'avais pris d'après eux l'habitude de ne plus songer au retour régulier des différentes parties de la journée et de faire, jusqu'à un certain point, du jour la nuit et de la nuit le jour. Il y avait déjà plusieurs semaines que j'étais dans cette demeure et la saison était fort avancée. J'avais passé quelques heures de la nuit à méditer sur ma situation. Le caractère et les mœurs des gens parmi lesquels je vivais avaient quelque chose qui me causait un véritable dégoût. Leur ignorance grossière, leurs habitudes féroces et leurs manières brutales, au lieu de me paraître plus supportables avec le temps, ne faisaient qu'ajouter de jour en jour à l'aversion qu'elles m'avaient inspirée dès l'origine. Je ne pouvais pas rapprocher la force d'esprit extraordinaire et l'extrême fertilité d'invention qu'ils déployaient dans l'exercice de leur métier avec l'odieux de ce métier et leur dépravation habituelle sans éprouver des sensations si pénibles qu'elles me devenaient intolérables. La vue du mal moral me semble être, au moins pour un esprit qui n'est pas encore dompté par la philosophie, une des sources les plus fécondes de tourments et de malaises. La société de M. Raymond ne me soulageait nullement de ce genre de peine. Il était à une distance immense des vices de ses compagnons, mais je n'en étais pas moins vivement affecté de le voir aussi hors de sa place, aussi mal associé, et ses rares talents employés d'une manière aussi méprisable. J'avais essayé de déchirer le voile qui l'aveuglait ainsi que ses camarades, mais j'avais trouvé dans mon entreprise des obstacles plus grands que je ne l'avais imaginé. Que faire donc ? Attendrai-je, en fervent missionnaire, l'issue de la conversion que j'avais tentée, ou bien me retirerai-je sur le champ? Si je prenais le parti de m'en aller, devais-je exécuter ce projet furtivement, ou bien au contraire déclarer hautement ma résolution et tâcher ainsi d'achever par la force de l'exemple ce que mes arguments n'avaient pu faire? Certainement, refusant, comme je le faisais, de prendre la moindre part à leurs expéditions, ne contribuant pas de ma personne au danger dont ils tiraient leur subsistance, et ne travaillant point à prendre leurs habitudes, Il ne convenait pas que je continuasse mon séjour chez eux plus longtemps que ne l'exigeait la nécessité. D'ailleurs, il y avait une circonstance qui rendait cette délibération fort urgente. Ils avaient le projet de quitter sous peu de jours leur habitation actuelle pour aller gagner un autre gîte qu'ils avaient dans une province éloignée. Si je ne me proposais pas de rester avec eux, peut-être ne serait-il pas bien de les accompagner dans cette émigration. L'état d'infortune inouïe où m'avait réduit mon inflexible persécuteur m'avait mis au point de regarder comme la plus heureuse des aventures la rencontre d'une caverne de voleurs. Mais le temps qui s'était écoulé depuis avait probablement été suffisant pour ralentir l'activité des recherches dirigées contre moi. Je soupirais pour cet état de solitude et d'obscurité, pour cet asile contre les persécutions du monde, et même contre sa simple attention sur lequel mon imagination s'était portée avec tant de plaisir au moment où j'avais brisé mes chaînes. Telles étaient les réflexions qui m'occupaient l'esprit. À la fin, cet état continu de contemplation me fatigua, et pour me délasser, je tirai de ma poche un Horace, qui m'avait été légué par mon cher Brightwell. Je lus avec avidité son épître au grammairien Fuscus, dans laquelle il lui fait une si belle description de la tranquillité et de l'indépendance délicieuse d'une vie champêtre. Le soleil vint alors à se lever derrière les collines qui bornaient ma vue à l'Orient, et j'ouvris ma fenêtre pour jouir de ce spectacle. Le jour commençait d'une manière singulièrement brillante, et il était paré de tous ces charmes que les poètes de la nature, comme on les appelle, ont tant de plaisir à décrire. Dans cette scène magnifique, surtout après une contention d'esprit assez longue, il y avait quelque chose de ravissant qui m'entraînait au repos. Insensiblement, une rêverie confuse s'empara de toutes mes facultés. Je quittai ma fenêtre, me jetai sur mon lit et m'endormis. Je ne me rappelle pas précisément les images qui me passèrent dans l'esprit pendant ce sommeil, mais je sais qu'elles se terminèrent par l'idée d'une personne, agent de M. Falkland, qui s'approchait de moi pour m'assassiner. Vraisemblablement, cette imagination m'avait été suggérée par le projet que je méditais de rentrer dans le monde et de me rejeter dans la sphère où sa vengeance pouvait encore m'atteindre. Il me semblait que l'assassin avait le dessein de venir sur moi par surprise, que je voyais son dessein et que pourtant, par quelque enchantement, je n'avais nul moyen de l'éviter. J'entendais les pas du meurtrier qui s'avançait lentement et avec précaution. Sa respiration qu'il cherchait à retenir frappait néanmoins mon oreille. Je le sentis arriver jusqu'à l'endroit où j'étais placé, et puis s'arrêter. L'image devint alors trop terrible. Je tressaillis, j'ouvris les yeux. Que vis-je? L'exécrable mégère dont j'ai parlé fondant sur moi avec un couperet de boucher dans les mains. J'esquivai le coup avec une vitesse plus rapide encore que la pensée, et l'instrument qu'elle dirigeait sur ma tête consuma sur le lit sa force impuissante. Avant qu'elle eût le temps de se remettre en posture pour un second coup, je sautai sur elle, je saisis l'arme qu'elle tenait, et je la lui avais presque ôtée des mains. Mais en un instant, elle reprit ses forces et sa rage, et il y eut entre nous une lutte furieuse. Elle, animée par la haine et le désespoir, moi, combattant pour ma vie. C'était une véritable Amazone pour la vigueur, et jamais je ne me suis retrouvé en tête d'adversaire plus formidable. Elle avait le coup d'œil sûr, les mouvements prompts comme l'éclair, et de temps en temps, se poussant sur moi de toute la force de son corps, elle me donnait des secousses d'une violence inconcevable. À la fin pourtant, j'eus la victoire. Je lui arrachai des mains son instrument de mort et la jetai par terre. Jusqu'à ce moment, l'attention qu'elle mettait à diriger ses efforts avait contenu sa furie. Mais alors elle se mit à grincer des dents, à rouler des yeux égarés qui semblaient lui sortir de la tête, et dans les convulsions de sa rage, à s'agiter comme une démoniaque. « Gueux, scélérat ! » s'écriait-elle. « Que penses-tu donc faire de moi ?» Jusqu'à ce moment, la scène avait été complètement muette. « Rien ? » lui répondis-je. « Va-t'en, infernale sorcière, et laisse-moi en repos. »« Que je te laisse ? Oh que non ! Je veux t'enfoncer mes doigts dans tes côtes, t'arracher le cœur et boire ton infâme sang. Ah, tu crois venir à bout de moi ? « Ah bien oui, tu verras, je t'étoufferai sous moi, je te ferai rôtir à petit feu avec du soufre, je t'écraserai tes entrailles sur la figure, ah !» Elle se releva en disant ceci et se prépara à m'attaquer avec un redoublement de furie. Je lui saisis les mains et la forçai de s'asseoir sur le lit. Dans cette attitude, elle continua à exprimer sa rage par des grincements de dents, par des mouvements de tête frénétiques et de temps en temps par de violents efforts pour se dégager de moi. Ses contorsions et ses soubresauts étaient de la nature de ces accès où quatre personnes semblent quelquefois suffire à peine pour contenir le malade. Mais dans les circonstances où j'étais, je trouvais par expérience que j'avais assez de ma force seule. Rien n'était plus effroyable que le spectacle de cette furie au milieu de ces agitations. À la fin, pourtant, sa frénésie commença à se ralentir et elle demeura convaincue de l'inutilité de ses efforts. « Laisse-moi aller, » dit-elle. « Pourquoi me tenez-vous? Je ne veux pas qu'on me tienne. »« Je ne veux pas autre chose sinon que vous vous en alliez tout de suite, » répliquai-je. « Me laisserez-vous tranquille à présent ?»« Oui, oui, je te dis que oui, damné vilain, oui, infâme gueux. » Je la lâchai sur le champ. Elle courut aussitôt à la porte et la tenant entr'ouverte. « Je saurais bien encore venir à bout de te faire rendre l'âme, » me dit-elle. « Bah, avant qu'il soit 24 heures, je réponds de toi. » En disant ces mots, elle tira la porte et m'enferma à la clé. Une action à laquelle je m'attendais aussi peu me fit tressaillir de peur. Où était-elle allée? Quel était son dessein? Je ne pouvais pas supporter l'idée de périr par les machinations d'une pareille sorcière. La mort, sous quelque forme qu'elle soit, quand elle fond sur nous par surprise et sans que l'esprit ait eu le temps de s'y préparer, porte avec soi une terreur impossible à rendre. Mes idées s'égaraient dans un dédale d'horreur et de confusion. Il n'y avait dans ma tête que chaos et que tumulte. Je voulus forcer la porte, mais en vain. Je tournai tout autour de la chambre en cherchant quelque outil propre à m'aider. À la fin, pourtant, je me précipitai sur cette porte avec un effort de désespoir auquel elle céda et qui me jeta presque au bas de l'escalier. Je descendis avec toute la précaution et la prudence possible. J'entrai dans la cuisine, mais je n'y vis personne. Je cherchai dans les autres pièces, avec aussi peu de succès. Je sortis de la maison. Je ne pus venir à bout de trouver aucune trace de mon adversaire. C'était une chose bien étonnante. Que pouvait-elle être devenue? Que devais-je conclure de cette disparition? Je réfléchis à la menace qu'elle m'avait faite en partant, qu'avant qu'il fût 24 heures, elle répondait de moi. Cette phrase était énigmatique. Elle ne paraissait pas renfermer une menace d'assassinat. Tout à coup, le papier apporté par Larkins revint à ma mémoire. Serait-il bien possible que ce fût là le motif caché de ses dernières paroles? Serait-elle partie pour faire elle-même un pareil coup? Mais n'y aurait-il pas un grand danger pour la troupe, amener ainsi, sans la moindre précaution, les officiers de justice dans notre retraite? Il n'y avait peut-être pas lieu de craindre qu'elle pût se porter un pareil acte de désespoir. Pourtant, on ne pouvait guère répondre de ce dont elle était capable dans l'état où elle était. Serait-il prudent d'attendre et d'aventurer ma liberté sur une pareille chance? Je répondis bien vite par une négative à cette dernière question. J'étais déjà déterminé à quitter dans peu le séjour que j'habitais. Un peu plus tôt ou un peu plus tard ne faisait pas une différence importante. Il n'était ni sage ni agréable de résider sous le même toit avec quelqu'un qui m'avait donné de si fortes preuves d'une haine implacable. Mais de toutes mes réflexions, celle qui avait sans comparaison le plus de poids sur mon esprit, c'était l'idée de la prison, du procès, du supplice. Plus ces objets avaient été depuis longtemps la matière de mes méditations, plus je me sentais invinciblement porté à tout faire pour les éviter. J'avais déjà beaucoup fait dans cette vue. Je m'étais décidé à beaucoup de sacrifices, et si je venais à échouer dans mes projets, je ne croyais pas que ce pût jamais être faute de soins et de résolution de ma part. La seule idée du sort que me réservaient mes persécuteurs me mettait à la torture, et plus je voyais de près l'oppression et l'injustice, plus je me sentais profondément pénétré de l'horreur qui leur est due. Tels furent les motifs qui me décidèrent à quitter sur le champ, brusquement, et sans aucun témoignage d'adieu ou de remerciement par tant de bons offices que j'avais reçus, une habitation qui, pendant un espace de 6 semaines, m'avait, à ce qu'il me semble, protégé contre les horreurs d'un procès, d'une condamnation et d'une mort ignominieuse. J'y étais entré sans un sou, et j'en sortais avec quelques guinées que M. Raymond m'avait obligé de prendre pour ma part au moment d'une distribution qui avait été faite de la masse commune. Quoique j'eusse bien quelques raisons de supposer que la chaleur des recherches suscitées contre moi s'était un peu ralentie par le laps de temps, Avec cela, l'énormité des malheurs qu'un hasard défavorable pouvait attirer sur ma tête me fit prendre le parti de ne pas négliger une seule des précautions imaginables. Je songeais à ce papier d'avis qui était la cause de mes frayeurs actuelles, et je compris qu'un des principaux dangers dont je fusse menacé était que ma figure fût reconnue par quelqu'un qui m'aurait vu autrefois, ou même par des étrangers qui auraient lu mon signalement. En conséquence, il me parut prudent de me déguiser le plus efficacement possible. Pour cet effet, j'eus recours à un paquet de guenilles qui était dans un des coins de notre demeure. Le déguisement que j'adoptai fut celui d'un mendiant. D'après ce plan, je quittai ma chemise. Je m'attachai autour de la tête un mouchoir avec lequel j'eus soin de couvrir un de mes yeux, et par-dessus je mis un vieux bonnet de nuit de laine. Je choisis le plus mauvais habit qu'il me fut possible de trouver, et je lui donnai encore l'air plus misérable au moyen de déchirures que j'y fis à dessein en plusieurs endroits. Dans cet accoutrement, je me regardai dans un miroir. Mon travestissement me sembla parfait, et personne ne m'aurait soupçonné de ne pas appartenir à la confrérie dont je voulais passer pour membre. « Voilà, me dis-je à moi-même, la forme sous laquelle la tyrannie et l'injustice m'obligent de chercher un refuge. Mais il vaut mieux, mille fois mieux, encourir le mépris sous les haillons de la misère et parmi la lie de l'espèce humaine que de compter sur la compassion et la sensibilité des grands.